de la tour, gardez en tour les murs que Dieu nous voile. Car y ont séjour dans mes seigneurs, et là on vont en proie. Hue, je l'ai bien vu là-bas sous la coudreur. Hue, pour un peu l'oxyreur. Dans tous les amours de blanche flour, amis vous chanterez. N'était la frayeur du traitour que je redouterais. Hue, je l'ai bien vu là-bas sous la coudreur. Hue, pour un peu l'oxyreur. Cette erreur, car sans frayeur, en paix je dormirai. N'ayez nulle peur, ayant un bon cœur qui veut aller savoir. Hue, qu'il en soit-tu, ami, en cette voie. Hue, bien j'ai connu que nous en aurons joie.